Au milieu coule une rivière, l'eau calme d'un canal. Dans cette vallée pleine de charme, cet abri de verdure, l'Ontier coule doucement, juste au pied de ses murs, au pied de ce village baigné de lueurs ancestrales. Le temps semble n'avoir pas eu de prise sur les cœurs, et les murs de granit résistent aux affronts et au vent. L'âme de ceux qui vivent là est la même qu'en temps, comme une sorte d'héritage venu d'un autre ailleurs. Les maisons semblent si solides, bâties de fortes pierres, si elles donnent l'impression qu'elles vont défier le temps, c'est parce qu'elles abritent en leur sein des années de prière. Le village semble ne pas craindre les colères du vent. Partout les arbres des forêts ont des allures de princes. Il s'élève aussi haut qu'en mon vieux pays de montagne, et semble être mis là un peu comme des mâts de cocagne, arrosés chaque jour d'une bruine qui doucement les rince. Même si l'air est frais, il n'est jamais austère. Il a toujours en lui l'odeur venue du large et l'eau grise du canal qui court jusqu'à la mer semble toujours limpide, même les jours d'orage. Saint-Nicolas s'éveille chaque jour dans la brume, mais un bout de soleil est toujours là pour dire qu'il veillait apparaît un peu comme un sourire, capable de sécher les larmes oubliées par la lune. Les amis que j'ai là sont plus présents qu'un souvenir. Ils ont le cœur si grand et leurs yeux brillent de mille feux. Ils ne se soucient pas de l'endroit d'où je peux venir, et leur maison pleine de rire semble bénie des lieux. Ici c'est le pays où courent les légendes, mais elles permettent aux hommes de conserver leur âme, d'avoir au fond du cœur ces valeurs qu'ils défendent. Ici c'est la Bretagne pleine de chants et de charme. Saint-Nicolas, comme chaque jour, est sorti de sa brume. Moi, j'ai repris ma route, mais je suis sûr que mon chemin me ramènera sans doute ici, peut-être même demain. Je le sais, je l'ai vu, je crois l'avoir lu dans les runes. Au milieu coule une rivière, l'eau calme d'un canal. Dans cette vallée pleine de charme, cet abri de verdure, l'Ontier coule doucement, juste au pied de ses murs, au pied de ce village baigné de lueurs ancestrales.